Fou de trouvaille. C'est fou. 89.1. Cette semaine au Mathieu Plante Show. Dans Télévision, une suite de Ma sorcière bien-aimée s'intéressera à la petite fille de Samantha. Il devrait faire une suite des joyeux naufragés avec les enfants de ceux qui ont couché ensemble sur l'île de Gilligan, ce serait genre tout le monde. Dans Segment Geek CX, une vidéo sur votre boîte de céréales pourrait être l'avenir de l'impression. Après ça, on va pouvoir lire le journal sur nos tartines et écouter la radio en se mettant des muffins dans ses oreilles. Et dans Merci Science, un homme paralysé remarche après une greffe de cellules olfactives au Mathieu Plante Show tout de suite. Et voici celui qui anime avec des chocolatines sur les oreilles et qui parle dans une banane. Mathieu Plante! Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, l'émission La chronique télévisuelle Television, le segment Geek CNX, le survol du net dans WoW at Web, c'est un fait Tech Edition et la chronique de science, technologie et médecine Merci Science. On va aussi continuer notre série musicale Legacy Game Boy 25th Anniversary. Avant ça, par contre, on écoute un peu de musique chiptune, c'est-à-dire inspirée par les jeux vidéo ou encore créée à partir de consoles de jeux vidéo. Je vous en propose deux dès le début de l'émission. Plus tard, on aura l'artiste Nimble Fox. Mais avant ça, commençons avec Jakim et son extrait très, très joyeux de chiptune. C'est Inner Child au 89 FM. C'est fou. Le Mathieu Plante Show. We'll be right back. the Night par Nimble Fox, précédé de Inner Child par Jakeem, au Mathieu Plante Show. Que diriez-vous de commencer l'émission avec un peu de Television? Television? Bonne décision de votre part d'avoir accepté de commencer avec Television. Television, commençons au Québec, comme on le fait toujours, avec Historia. On parle rarement d'Historia à l'émission, mais ils vont diffuser des émissions provenant du catalogue de History, la grande chaîne américaine. Et d'ailleurs, ils vont reprendre le logo avec un H de History. Dès cet hiver, Historia qui diffuse déjà l'atelier de restauration, Pawn Stars, prêteur sur gage, Pawn Stars, prêteur cajun et footballide, toutes des émissions de History, offrira de nouvelles émissions provenant du catalogue de History, telles que Mountain Men, Appalachian Outlaws, Down East Dickering et No Man's Land. Son nouveau propriétaire, Curse Media, vient de signer une entente avec A&E Networks, qui est propriétaire de A&E, Lifetime, Lifetime Movie Network, FYI et Crime and Investigation, lui donnant ainsi un accès privilégié au contenu et à la marque de la chaîne d'histoire anglophone au Québec. L'historien arborera également, comme on l'a dit, le H doré iconique de History, si vous avez jamais vu. C'est un H en genre de emboss, un peu genre royal, comme une couronne, avec un petit pan de mur rouge en bas et le logo History avec la police la plus ennuyante et générique possible. Donc, ces nouvelles émissions ont complété la grille aux côtés des productions originales d'Historia. La marque History est présente dans plus de 180 territoires et plus de 325 millions de foyers à travers le monde. Moi, ce qui me dérange, c'est que je trouve que c'est un des beaux logos de chaîne québécoise qu'on a en ce moment, même si le haut de Historia est le même que le haut de Zone Campus et le même que le haut de Radio-Radio. Mais ça, regardez, c'est pas mon problème. Historia, avec un petit haut des airs et un petit bord en dessous, comme c'est apparemment bien à la mode, on va perdre ça au profit de logo, mais vraiment très, très générique de History. Il s'est passé la même chose au Canada anglais. La chaîne, c'était The History, je crois, Channel? History Television, pardon. History Television au Canada anglais, qui n'était pas du tout associé avec History aux États-Unis, avait eux aussi adopté la marque. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. Je pense que c'est ce qu'on doit faire, malheureusement, pour que les gens écoutent les chaînes canadiennes, leur donner un logo connu comme Lifetime, qui avait un autre nom avant. Puis toutes les chaînes canadiennes avec un contenu original finissent par se faire mettre le logo d'une autre chaîne. Ça me surprendrait pas que YTV devienne éventuellement, je sais pas, une autre chaîne avec un autre nom américain. Ou, on dirait que j'ai comme pas d'exemple, mais Teletoon pourrait devenir Cartoon Network, mettons. Ça me surprendrait pas. Ensuite, toujours au Québec, c'est un épisode de l'émission très connu, un tueur si proche qui reconstituait la tragédie familiale survenue à Saint-Romain en 2012, qui ne pourra pas être diffusé à Canal D, a statué le juge Louis Gigouin. Dans un article paru dans un certain journal montréalais, on apprend qu'une requête avait été déposée au palais de justice de Montréal par le curateur public du Québec, qui a la charge de Pascal Morin depuis l'issue de son procès, au terme duquel l'homme qui a tué sa mère et ses deux nièces a été déclaré criminellement non responsable de ses meurtres pour cause de troubles mentaux. L'émission de l'épisode, en fait nommée Mission Divine, qui devait être diffusée à la fin de la semaine passée, porterait gravement à atteinte aux droits, là je cite ici, et à la santé de Morin. Il lui causerait divers torts irréparables, oui, peut-on lire dans la requête. Son médecin traitant croyait notamment qu'elle pourrait aggraver les symptômes de sa maladie psychotique et entraver sa réadaptation. Pascal Morin qui est actuellement détenu dans un centre hospitalier où il reçoit des soins psychiatriques. Donc malheureusement, vous ne verrez pas cet épisode de Tueur si proche. J'imagine que c'était une reprise qui a été diffusée en fin de semaine passée. La famille canadienne moyenne a dépensé 191 $ par mois, oui, en services et de communication en 2013. Je m'excuse, c'est Internet encore une fois qui va mal. On se plaint tout le temps en ondes de ça, mais Caroline UQTR n'aide tellement pas. On va changer d'ordinateur pendant qu'on passe le temps en parlant du fait que vous pouvez aller retrouver les liens de chacun de ces articles sur assemblagerequis.com, n'est-ce pas fabuleux? C'est toujours pas revenu, fait qu'on va vraiment transitionner vers ça. Ah, ouais. C'est selon CRTC, ça je me rappelle l'avoir lu, c'était le CRTC, le conseil. Je m'aventurerai pas sur le reste de la phrase, attention. Hey, c'est vraiment long. Le Conseil de la radio, diffusion et des télécommunications canadiennes, oui, a publié la dernière partie du rapport de surveillance sur les communications de 2014. S'intéressant notamment aux dépenses des consommateurs pour leurs services de communication. Cette année, le CRTC a publié le rapport en trois parties. Les deux premières étaient consacrées à la radiodiffusion et au secteur des télécommunications. Et là, il y a une troisième partie qui vient de sortir et qui boucle la boucle. Donc, en 2013, les revenus de l'industrie canadienne des communications ont totalisé 61,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 1,9% comparativement à 60,8 milliards en 2012. La famille canadienne moyenne a dépensé 191 $ par mois en services de communication, soit une augmentation de 3,2% comparativement à 2012. Les dépenses des ménages pour les services de télévision par câble et par satellite ont grimpé en moyenne de 1,54 $ pour atteindre 53,6 par mois. Les services sans fil, ça a monté de 1,91 $ pour un total de 69,33 $. Et pour les services Internet, de 4,42 $ pour un total de 35,37 $ par mois. Le CRTC explique l'augmentation des dépenses pour les services sans fil et les services Internet par le fait que les Canadiens font une plus grande utilisation des données des services sans fil et s'abonnent à des services Internet offrant des vitesses de connexion à large bande plus élevées. Le prix des services de téléphonie, et de téléphonie, de télévision et d'Internet ont connu une hausse variant entre 1,6 et 3,7 % en 2013, alors que le taux d'inflation était de 0,9. Les dépenses pour les services téléphoniques de résidence ont diminué de 2,01 $ pour totaliser 32,85 $ par mois. Évidemment, hein, sinon les gens n'y prendraient pas ces services-là. Le rapport présente aussi une perspective internationale en comparant les principaux indicateurs des pays suivants, le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, qui n'est pas vraiment un pays, mais bon, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon et l'Australie. Le Canada se place au quatrième rang quant au taux de pénétration le plus élevé des services à large bande fixe et au septième rang quant à celui des services à large bande mobile. Vous pouvez retrouver tout le rapport au complet qui contient des données et des renseignements sur l'industrie, y compris sur les nouvelles tendances et les nouveaux enjeux sur assemblagerequis.com, bien évidemment, ou ailleurs. Genre que ça pourrait-tu d'être, comme on dit en français. On revient à nos nouvelles de télévision un petit peu. On passe aux États-Unis avec Showtime qui relance l'émission Happy Hish. L'acteur britannique Steve Coogan va reprendre le rôle principal de cette comédie noire, initialement tenue par Philip Seymour Hoffman, décédé en février dernier. On avait couvert cette nouvelle-là au Mathieu Plancheau. En juillet 2013, Showtime annonçait sa collaboration avec Philip Seymour Hoffman, recruté pour tenir le premier rôle de Happy-ish, série se déroulant dans le milieu de la publicité. Suite à son décès, en début d'année, la chaîne avait mis en suspens le développement de sa création originale, laissant son avenir incertain. Showtime a finalement pris la décision de relancer le projet avec un nouvel acteur à bord, c'est le Britannique donc Steve Coogan, qu'on a déjà vu dans Philomena de Stephen Frears et dans les sagas de Percy Jackson et Une nuit au musée. Il va tourner en décembre un nouveau pilote de l'émission à New York. L'anglais reprendra le rôle de Tom Payne, un publicitaire dont l'agence a été rachetée, qui se verra relégué au second plan du fait de son âge. Fox ressuscite le mythe de Frankenstein. Howard Gordon, producteur de Homeland, et Ran Ravish de Life tenteront de faire revivre Frankenstein à la télévision avec l'aide de Fox qui a passé la commande d'un pilote. Le producteur célèbre pour son travail sur Homeland et 24 heures chrono a en réalité débuté sa carrière avec des séries de science-fiction comme Aux frontières du réel, X-Files, Buffy contre les vampires et Angel. Pour Frankenstein, inspiré du roman de la Britannique Mary Shelley, Howard Gordon s'associera à Ran Ravish afin de mettre sur pied l'histoire d'Adam Trimble, un agent du FBI corrompu qui obtient une seconde chance lorsqu'il est ramené d'entre les morts par deux créateurs. Un milliardaire antisocial qui a fait fortune sur Internet, hein, pour remettre ça au goût du jour, et sa sœur jumelle ingénieure. OK. L'histoire du Dr. Frankenstein et de sa créature a été maintes fois adaptée au grand écran. À la télé, les deux personnages sont apparus récemment dans la série Penny Dreadful sur Showtime. Le retour de Ma sorcière bien-aimée maintenant. On en parlait en intro, ça se précise. Destinée à la chaîne ou au réseau NBC, la nouvelle version aura pour héroïne la petite fille de Samantha et Jean-Pierre ou Darren. La nouvelle adaptation a un voyageur dans le temps pour s'intéresser à la deuxième génération de sorcières. Le pilote s'ouvrira sur Daphne Stevens, fille de Tabata et petite-fille donc de Samantha. Cette jeune fille célibataire de 20 ans n'hésite pas à user de ses pouvoirs magiques afin de se faciliter grandement la vie. Attention, le cliché s'en vient. Mais il existe un domaine dans lequel ces dons demeurent très puissants. L'amour. Hein, c'est-tu cliché comme phrase, ça? C'est comme tellement évident. Le renouveau de cette série culte des années 60... coïncide avec les 50 ans de la série fêtée le 17 septembre dernier. La comédie qui mettait en scène la vie de Samantha, une sorcière mariée à un simple mortel, Jean-Pierre, ou en anglais Darren, a disparu de la programmation de ABC depuis 1972. En fait, elle n'a pas disparu depuis. Elle est disparue en 72 et elle a continué de ne plus être là, je vous dis. Le fantôme de l'opéra entra ABC. La chaîne américaine, le réseau ABC, prépare une adaptation. J'ai ça, les articles qui commencent par la chaîne. C'est un réseau. ABC, mais on dirait que j'apprends pas puis je le corrige pas moi-même. Elle prépare une adaptation télévisée du célèbre roman fantastique français de Gaston Leroux, Le Fantôme de l'Opéra. ABC va donc revisiter l'histoire d'Eric, fantôme qui hante l'Opéra de Paris à travers une série qui placera également son intrigue dans un univers musical, mais dans une période plus contemporaine. Avec l'aide de Alan Zachary et Michael Wiener, deux scénaristes habitués des comédies musicales, le réseau intégrera des séquences musicales comme il l'a fait auparavant pour l'émission Nashville dans le domaine du country. Le roman gothique de Gaston Leroux, publié en 1910, a inspiré plusieurs comédies musicales et plusieurs longs métrages, mais ça n'a jamais été transposé à la télé jusqu'à maintenant. Et oui, ici, comptera sur l'expertise de Mark Cherry, Marc Cerise, créateur de Beauté désespérée et Devious Maids, au poste de producteur, donc quand même de la qualité au sommet. Ici, je ne sais pas si on peut dire de la qualité, mais Hitch pourrait renaître à la télé. Oui, oui, le film Hitch, succès du box-office en 2005. Essaiera de se transformer en série pour la chaîne Fox. Encore une fois, un réseau. Star de la comédie, Will Smith participera au projet, mais en tant que producteur et non en tant que vedette. Il n'y aura pas de Prince de Bel-Air là-dedans. La chaîne ne désespère pas de faire de Hitch son prochain succès télévisé. Après une tentative infructueuse en 2010, c'était déjà en retard sur 2005, le réseau réitère sa démarche en s'associant cette fois-ci avec Deborah Kaplan et Harry Elfant, scénariste des comédies romantiques Année bissextile et Un amour de témoin. Deux films que je n'ai pas vus et dont je suis très fier. Ce n'est pas ça. Hitch plaçait donc Will Smith dans la peau de Dr. Love, un expert en séduction qui venait en aide à des gens malchanceux en amour. Kevin James et Eva Mendes participaient également à la comédie de Andy Tennant. Producteur du long métrage, Will Smith participera également au développement de la série via sa société Overbook Entertainment. Pardonnez-moi. On transitionne de la télé américaine à Netflix et autre truc qui se passe en ligne. C'est toujours avec ça qu'on termine parce que Colin, c'est le futur et c'est, vous allez remarquer avec les semaines que de plus en plus de nouvelles dans ce segment de Television qui se passe sur Internet. Netflix et Rogers s'allient pour produire la série Between. Between, hein? Donc Netflix s'associe à Rogers, un de ses concurrents dans les services de vidéo sur demande, pour produire une série originale. La compagnie américaine a conclu cet inhabituel partenariat avec les stations de télévision City, détenues par Rogers Communications, pour produire 6 épisodes de Between, un thriller survivaliste. City va diffuser la série au Canada et Rogers la rendra disponible sur son service de vidéo sur demande ShowMe, qui sera lancé plus tard cet automne en novembre. Netflix va détenir les droits de diffusion à l'extérieur du Canada et pourra offrir la série sur son site canadien après un an. Donc, ça va être sur ShowMe au Canada pendant un an et ensuite sur Netflix Canada après ça. Donc, Between a été créé par Michael McGowan, réalisateur des films 7 jours et Un miracle pour Ralph. L'émission porte sur une ville frappée par une maladie étrange qui tue tous les habitants âgés de plus de 21 ans. Et ça va mettre en vedette la jeune actrice Jeanette McCurdy, que vous connaissez peut-être pour la série pour jeunes filles iCarly. Mais vraiment bonne cette actrice-là. Le service sur demande ShowMe a été créé par Rogers et Shaw Communications en réaction à la popularité grandissante de Netflix au Canada. La plateforme d'écoute en ligne qui devrait être lancée, comme on a dit, en novembre, sera à ses débuts disponible seulement pour les abonnés des deux câbles distributeurs, donc Rogers et Shaw. Pas de gens de chez Bell Canada, Vidéotron, puis autres trucs comme ça. Between va être la première production originale canadienne de Netflix. Donc c'est un début à tout. C'est pas beaucoup, 6 épisodes. Vraiment, c'est pas grand-chose. Ça, tu tapes ça en une soirée, je te dirais, 6 épisodes. Toujours chez Netflix, ils vont diffuser la série F is for Family. Le site va diffuser en exclusivité F is for Family, une série animée coproduite par Gaumont International Télévision et conçue notamment par l'un des créateurs des Simpsons avec les voix de Laura Dern et Bill Burr. Donc une adaptation des spectacles de Bill Burr, un comédien venu des théâtres d'improvisation et connu notamment pour son rôle dans la série Breaking Bad, le chimiste. Cette série animée de 6 épisodes, encore une fois, 6 épisodes d'une demi-heure chacun, on teste des choses. Sortira en exclusivité sur Netflix en 2015. C'est la première fois que la filiale américaine de production de Gaumont s'aventure sur le terrain de l'animation. Et F is for Family va suivre les aventures de la famille Murphy dans les années 70, une époque où l'on giflait ses enfants, fumait à l'intérieur des maisons et amenait une arme à l'aéroport, nous dit Netflix. Bill Burr va prêter sa voix au père Frank Murphy, le patriarche, pas père comme dans la religion. Et Laura Dern, qu'on connaît pour Blue Velvet et Jurassic Park, va être sa femme Sue. L'acteur Justin Long, qu'on connaît de Tusk et entre autres des publicités de Mac vs PC à l'époque, jouera leur fils aîné Kevin. Vince Vaughn, je pense qu'on n'a pas besoin de dire dans quoi il jouait, producteur exécutif de la série, ça va être son rôle. Le spectacle comique de Bill Burr, I'm Sorry You Feel That Way, sortira en exclusivité sur Netflix le 5 décembre. Toujours chez Netflix, DiCaprio s'allie à Netflix pour un documentaire. L'acteur américain Leonardo DiCaprio s'est associé au service de vidéo à la demande Netflix pour produire un documentaire consacré aux gorilles d'Afrique de l'Est, une espèce menacée d'extinction. Leonardo DiCaprio, qui, outre ses activités à l'écran, est messager de la paix de l'ONU pour la lutte contre le réchauffement climatique et l'un des producteurs de Virunga. Selon Netflix, le film tient tant du journalisme d'investigation que du documentaire. Il va être réalisé par Orlando Van Heinsiedel. Virunga suit une équipe de gardes forestiers en République démocratique du Congo, prise au milieu des braconniers, des milices et des intérêts économiques dans le plus vieux parc national d'Afrique. Le massif des Virunga, aux confins du Rwanda, de la République démocratique du Congo et de l'Ouganda, est le dernier sanctuaire au monde des gorilles des montagnes, dont ne subsiste qu'environ 800 individus. Le film sortira dans les salles à New York et à Los Angeles, ainsi que sur Netflix, le 7 novembre prochain. Voilà pour les nouvelles. Maintenant, regardons un petit peu les cotes d'écoute pour la semaine du 6 au 12 septembre 2014. Non, octobre, quand même. Je pensais qu'on était plus loin que ça derrière, mais non. 6 au 12 octobre, c'est pas si pire le récent quand même. Commençons au Québec. Avec les positions 15 à 6 en rafale, Fort Boyard, le Dôme sur invitation seulement, l'Auberge Chien Noir au secours de Béatrice, les Pêcheurs ou les Enfants de la télé, Complexe G et tout le monde en parle. En cinquième, c'est Mémoire Vive à Radio-Canada. En quatrième, Toute la vérité. En troisième, Mia Masca. En deuxième, Le Banquier à TVA. En première place, c'est Unité 9 à Radio-Canada. Ensuite, du côté du Canada anglais, 15 à 6 en rafale, Bones, Grey's Anatomy, Amazing Race, Blacklist, Person of Interest, NCIS New Orleans, Survivor San Juan, How to Get Away with Murder, Criminal Minds et NCIS. En cinquième, c'est Castle. En quatrième, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. En troisième, Gotham. En deuxième, The Flash. Et en première place, c'est The Big Bang Theory sur CTV. Voilà pour les cotes d'écoute. Tous les liens sur assemblagerequis.com. N'ayez pas peur, tout est là. On prend une petite pause de musique chiptune. En fait, une pause qui met en vedette de la musique chiptune, pas une pause de la musique chiptune. Ça veut dire qu'on arrêterait d'en jouer, puis ce serait plate, je trouve, à mon avis. Donc, commençons ce bloc avec l'artiste Trace Kaiser. Voici Slappy Hour, MPS le Mathieu Planchot. C'était Arlen et Galactic Snacks, précédé de Slappy Hour par Trace Kaiser au Mathieu Plante Show. Maintenant, remercions la science d'exister dans Merci Science. C'est Merci Science. On commence avec un aérogel au graphène pour révolutionner les batteries. Charger la batterie de votre voiture électrique en quelques minutes seulement, est-ce que c'est de la science-fiction? Peut-être! Mais peut-être plus aussi un jour, hein, parce qu'on considère le potentiel des super condensateurs à base de graphène qui sont en développement et tout change. Une nouvelle piste de recherche avec eux repose sur des aérogels dérivés de ce matériau miracle. Lorsqu'on a besoin de stocker très provisoirement de grandes quantités d'électricité et de les libérer rapidement, on peut faire appel aux supercondensateurs qui sont extrêmement puissants par rapport aux batteries pour ce genre d'utilisation spécifique. Généralement réalisé à l'aide d'un procédé dit de double couche électrochimique ou en anglais Electrochemical Double Layer Capacitor ou encore un EDLC, un ELC, est constitué donc de deux électrodes poreuses, généralement en charbon actif, et imprégnées d'électrolytes qui sont séparés par une membrane isolante et poreuse afin d'assurer la conduction ionique. Les supercondensateurs sont en développement depuis les années 50. Ils sont en passe d'être révolutionnés par les nanotechnologies. Les supercondensateurs remplacent des batteries au plomb de camions dans le Grand Nord canadien parce qu'ils supportent mieux les températures très basses. Les supercondensateurs sont aussi très utiles pour le système start and stop des voitures parce que ça permet d'économiser du gaz en éteignant et en redémarrant rapidement le moteur à chaque feu rouge. L'avenir des supercondensateurs sera brillant si on arrive à augmenter suffisamment la densité d'énergie qu'ils peuvent stocker. Ils pourront alors remplacer massivement les batteries, d'abord dans les ordinateurs et les téléphones portables, peut-être même ensuite celles qui équiperont les voitures électriques du futur. Des résultats prometteurs ont été obtenus en utilisant du graphène depuis quelques temps. On peut citer ceux exposés dans un article paru dans Journal of Materials Chemistry, Journal of Materials Chemistry A. Et qui proviennent de travaux menés par des chercheurs du laboratoire Lawrence Livermore. Ils sont parvenus à faire un aérogel à base de graphène et l'ont utilisé pour faire un super condensateur. Selon un des physiciens à l'origine de ces travaux, ce matériau peut potentiellement améliorer la performance des superconducteurs commerciaux de plus de 100%. On dit que l'Union européenne a accordé une enveloppe à hauteur d'un milliard d'euros pour les recherches sur le graphène. Donc c'est certain qu'il y a un avenir dans cette technologie-là. Et un Bulgare de 38 ans paralysé suite à une agression au couteau en 2010 peut désormais remarcher grâce à une greffe de cellules provenant de son système olfactif. Ça a eu lieu en Pologne. Certaines lésions de la moelle épinière peuvent paralyser à vie des patients car les fibres nerveuses sectionnées ne se régénèrent pas spontanément. Un espoir de traiter ces cas apparemment incurables vient de surgir grâce à certaines cellules permettant l'odorat. Donc les cellules olfactives engénantes, difficile à dire, c'est olfactory and sheathing cells, ou encore des OEC. Et les fibroblastes olfactifs nerveux, les olfactory nerve fibroblasts. Les premières sont des cellules qui, avec les fibroblastes, forment une enveloppe autour des faisceaux de fibres nerveuses olfactives. Ça, c'est dans le nez. Hein. Des études chez l'animal ont montré que la greffe de cellules cultivées à partir de bulbes olfactifs pouvait conduire à la régénération et à la reconnexion d'axones de la moelle épinière. Donc, l'idée est de transposer ces résultats chez l'homme. Dans un article paru dans Cell Transplantation, les scientifiques décrivent les résultats encourageants obtenus chez un Bulgare de 38 ans qui souffrait d'une lésion médullaire au niveau de la vertèbre TH9. Alors, 21 mois après sa blessure, le patient avait atteint le niveau A de la classification ASIA, qui correspond à une lésion complète, ça veut dire absence totale de sensibilité et de motricité sous la lésion. Il n'y avait absolument rien. Zéro mine barre. La première étape du protocole a consisté à prélever un bulbe olfactif du patient et à mettre en culture, les cellules. Pendant l'opération, des micro-injections de cellules ont été réalisées au-dessus et au-dessous de la région lésée. Quatre greffons organisés en bandes de tissus nerveux ont été placés dans cette zone-là. Comme les cellules provenaient du patient lui-même, il n'a pas été nécessaire de lui faire suivre un traitement immunodépresseur. C'est ses propres affaires. Et il n'y a pas eu donc d'effet indésirable dans les mois suivant l'opération. Après l'opération, le patient a suivi une rééducation et au bout de 6 mois, il a fait ses premiers pas. Le patient est désormais capable de bouger les hanches et sur le côté gauche, il connaît un rétablissement considérable des muscles de la jambe. Il s'appelle Derek Fedeka. Il a atteint le stade C. Donc, plus la lettre est haute, genre ABC, plus c'est bas. Genre. De la classification, c'est un peu comme un bulletin. ASIA, la classification EJA, qui correspond à la présence d'une sensibilité et de la motricité de certains muscles. Le patient n'est plus incontinent grâce à de meilleures sensations au niveau de la vessie et le contrôle de la fonction érectile s'est amélioré sans médicaments. D'après les auteurs, la probabilité que le patient se soit rétabli spontanément, ça veut dire sans ce qu'ils ont fait là, aurait été inférieure à 1%. Le rétablissement du patient suggère une régénération fonctionnelle des fibres nerveuses du système nerveux central grâce aux cellules transplantées. Fantastique. Le reste de l'article a d'autres détails. Des détails, comme on dit. Allez voir sur assemblagerequis.com pour en savoir plus sur les détails parce que c'est un petit peu plus complexe. Si c'était déjà complexe à la base, imaginez le reste. Ouais. Voilà pour Merci Science. Merci d'exister. Sympathique, jeune science. Tu sais, qu'est-ce qu'on ferait sans elle? On retourne en chiptune. On s'en va entendre un autre excellent bloc qui va se poursuivre tout à l'heure avec City Lights par Groovemaster 303. Mais avant ça, on dirait que mon Mr. Bean est ressorti. Mais commençons avec Koos et Cherry Jam, Mathieu Planchot. C'est fou. Master 303 avec City Lights, présidé de Cherry Jam par Kooks au Mathieu Planchot. Maintenant, c'est le segment Geek Scenics. www.radiotrouvaille.com. CELIX, ça c'est le bulletin geek, donc on parle de technologie, on parle de jeux vidéo, d'informatique et tout, mais sans parler trop des grosses nouvelles dont tout le monde parle, on parle plus de nouvelles du futur, des trucs comme ça. Donc commençons avec une canne électronique pour les non-voyants. Le principe de la canne blanche électronique n'est pas nouveau, mais l'utilisation de ce genre d'appareil n'est pas toujours simple. Une équipe de chercheurs de l'Université hébraïque de Jérusalem a mis au point un boîtier sensément plus commode, baptisé iCane. Il eye comme dans un œil, non pas eye comme tous les produits d'Apple. Il guide la personne non-voyante au moyen de vibrations et d'effets sonores dont l'intensité augmente selon la proximité de l'obstacle. Sa maîtrise ne demanderait que quelques minutes. Aujourd'hui encore, et malgré toutes les avancées en matière de détection d'obstacles et de cartographie en 3D, les personnes non-voyantes s'en remettent majoritairement à la canne blanche ou au chien guide pour pouvoir se déplacer. Il existe bien des dispositifs électroniques qui se servent de rayons infrarouges ou d'ultrasons pour détecter et évaluer la distance des obstacles. C'est le cas du boîtier français Tompous ou de l'UltraCane britannique qui s'installe sur une canne blanche classique et fonctionne en émettant des vibrations. Bien que performants, ces dispositifs ont du mal à gagner les faveurs des usagers en raison notamment de l'apprentissage préalable à leur maniement, qui demande quelques jours de formation. Et bien, c'est précisément cette problématique et de la facilité d'usage que s'est attaquée une équipe de l'Université hébraïque de Jérusalem. Les chercheurs ont mis au point un boîtier électronique baptisé iCane qui, selon eux, corrige les défauts des produits existants en matière de poids, d'autonomie, de batterie, d'interface et surtout de temps d'apprentissage. Le boîtier est léger, donc moins de 100 grammes, compact, 4 par 6 par 12 cm, et dispose d'une autonomie d'une journée. Dans leur article scientifique publié par la revue Restorative Neurology and Neuroscience, ses concepteurs assurent qu'il a été pensé pour pouvoir être fabriqué à bas coût, sans toutefois donner de détails chiffrés. D'un point de vue technique, iCane utilise la projection de rayons infrarouges pour détecter les obstacles et évaluer leur distance. Un rayon est pointé vers l'avant pour une détection à longue distance d'une portée de 5 mètres des obstacles à hauteur d'homme, tandis qu'un second rayon est braqué à un angle de 45 degrés vers le sol. Lorsque l'utilisateur balaie l'espace devant lui, iCane émet des vibrations et des sons dont l'intensité augmente en fonction de la proximité de l'obstacle. Les vibrations sont transmises au niveau du pouce pour le rayon pointé vers le sol et sur le poignet pour le rayon haut. Les chercheurs expliquent qu'ils ont choisi de confiner les rayons infrarouges dans un pinceau étroit de moins de 5 degrés pour obtenir une meilleure précision. La contrepartie est que l'utilisateur doit scanner son environnement en permanence, ce qui peut être un mouvement qui va devenir redondant à la longue. Des essais ont été effectués avec des volontaires valides auxquels on avait bandé les yeux, ainsi que des non-voyants. Après moins de 5 minutes à utiliser le boîtier, les uns comme les autres parvenaient à évaluer correctement les distances avec un taux de réussite de 70%. Une seconde expérimentation a consisté à faire circuler les participants dans un couloir, les uns avec une canne blanche classique et les autres avec un iCane, en comparant le nombre de points de contact qu'ils effectuaient pour se guider. Le groupe se servant d'une canne blanche faisait en moyenne 28,2 contacts avec les murs, tandis que ceux qui se guidaient avec l'iCane n'en faisaient que 3. Wow! Les chercheurs disent vouloir poursuivre les essais pour approfondir la fiabilité de leur boîtier, qui n'a pour le moment pas de vocation à être mis sur le marché. Je trouve cette idée-là vraiment cool. C'est parfait pour ceux qui en ont besoin. C'est évidemment un marché de niche, pas mal, mais en même temps, hein, c'est ce qu'il faut des fois. C'est des êtres humains, là. Hein, faut pas les minimiser. Parlant de minimiser, quelque chose de tout petit, c'est un oiseau. Hein, et l'oiseau robot français est prêt à s'envoler. Le Bionic Bird est un prototype d'oiseau robotisé qui pèse moins de 10 grammes et se pilote du bout des doigts via un smartphone, téléphone intelligent ou une tablette. Son concepteur, un ingénieur français en aéronautique, espère donner vie à son projet et a lancé cette semaine, la semaine passée probablement, une campagne de financement sur la plateforme Indiegogo. À la fin des années 60, l'entreprise familiale française Van Rumbeke lançait Tim, qui est un oiseau mécanique dont les ailes étaient animées par un moteur à élastique. Inspiré de l'ornithoptère dessiné par Léonard de Vinci, ce jouet très populaire, toujours disponible dans le commerce, s'apprête à faire un bond dans la mode. Modernité. Avec 17 cm de long pour 33 cm d'envergure et seulement 9,2 grammes, il est propulsé par un moteur électrique et se pilote à distance avec un smartphone ou une tablette iOS ou Android via une liaison Bluetooth. Le Bionic Bird peut voler pendant 7,5 minutes jusqu'à 100 mètres de distance. Il se recharge en 12 minutes par contact magnétique sur un chargeur transportable en forme d'œuf. C'est un œuf, un oiseau, ça va ensemble. Celui-ci incorpore une batterie LiPo de 800 mAh qui offre jusqu'à 10 recharges d'affilée. Le pilotage semble très intuitif. Le contrôle des gaz se fait avec le doigt. Et la direction par inclinaison du terminal mobile. Comme son ancêtre élastique, le Bionic Bird repose sur le biomimétisme pour reproduire le battement des ailes et le vol plané d'un oiseau. Un système de direction breveté permet aux ailes artificielles de se déformer afin de pouvoir diriger l'appareil. L'angle de la queue est ajustable afin de voler en extérieur ou dans les, bâtiments. Oui. Le cœur du mécanisme des ailes est basé sur un réducteur développé et breveté par Edwin Van Rubicki, le même gars qu'au début. Selon son concepteur, le Bionic Bird est tellement réaliste qu'il peut leurrer de vrais oiseaux et même un chat. Un premier prototype 100% opérationnel existe déjà, l'objectif étant de pouvoir produire un modèle commercialisable. Pour ce faire, la société d'Edwin Van Rubinke, Extim, a lancé une campagne de financement sur la plateforme Indiegogo. Le but est de récolter au moins 25 000 $ pour produire une pré-série de 1000 unités. On passe des aveugles tantôt. On va passer aux sourds. Le financement participatif rend possible la concrétisation d'idées originales. Un nouvel exemple qui est une start-up, qui développe une application pour les sourds et malentendants, transcrivant les conversations à plusieurs sur un téléphone intelligent. Une équipe internationale a développé une application qui permet de transcrire les conversations sur son téléphone et de savoir en temps réel qui a dit quoi, offrant aux sourds et aux malentendants la possibilité de participer aux discussions à plusieurs sans que leur interlocuteur n'ait à connaître la langue des signes. À première vue, les conversations ressemblent à celles qu'on partage à l'écrit sur les réseaux sociaux ou par SMS, mais la vraie innovation vient de la retranscription en temps réel de ce que chacun dit, même en présence de plusieurs personnes. Les fondateurs de la start-up Transcense, un Américain, un Français, un Néerlandais, un Taïwanais, tous malentendants et étudiants aux États-Unis, expriment dans une vidéo présentation sur assemblagerequis.com les difficultés à vivre leur handicap au quotidien, soulignant que seulement une conversation en anglais sur quatre peut être lue sur les lèvres. Le système de microphone a été programmé grâce à des algorithmes qui peuvent identifier chaque interlocuteur d'après la fréquence de sa voix et grâce à un code couleur qui permet de suivre aisément la discussion à l'écrit. Cette application sera commercialisée en décembre en anglais. Il peut déjà être précommandé au prix de 25 $. L'équipe lève actuellement des fonds sur le site Indiegogo et a déjà presque atteint son objectif. Ça, évidemment, ça, c'était à l'époque où l'article a été écrit et comme d'habitude... J'ai pas Internet. Hein. Il y a quelques semaines, des chercheurs du Georgia Institute of Technology ont annoncé avoir développé une application similaire destinée aux utilisateurs de Google Glass avec une fonction de transcription textuelle, mais pour un seul interlocuteur. La conversation est retranscrite par l'application Captioning on Glass afin que le porteur de ses lunettes puisse la suivre à l'écrit sur son smartphone. Normalement, je devrais être assez rapide pour aller cliquer sur notre ordinateur, sur le lien du Indiegogo. Mais en même temps, je me sens pas tout à fait rapide, là. Ah, je pense que je vais l'avoir. Oui! Deux petits instants, comme on dit à Assemblage Requis. Deux instants, ça va être bien rapide. Ouvrez grand la bouche. On est rendu à 34 408 $ sur 25 000 $. C'était pertinent de le savoir, hein? Je le sais, là. Vous êtes vraiment reconnaissant. Ensuite... une vidéo sur votre boîte de céréales. L'avenir de l'impression se joue à Montréal, nous dit le Huffington Post Québec. Dans un grand local du quartier Ahuntsic à Montréal, des techniciens s'affairent à mettre en place une presse au plus grand potentiel en Amérique du Nord. Il s'agit d'une presse unique qui permettra d'imprimer dans les prochains mois des batteries de 1,5 volts ayant l'épaisseur d'une feuille de papier, voire des écrans animés sur des emballages. L'industrie de l'imprimerie connaît une importante évolution, nous dit le directeur général de l'Institut des communications graphiques et de l'imprimabilité, le ICI, où se trouve la nouvelle presse. Et en passant, ça n'a rien à voir avec l'impression 3D, nous dit-on. Donc, ça ressemble un petit peu à ce qu'on faisait dans Harry Potter, où les portraits bougeaient. Donc, bientôt, ça ne sera plus de la science-fiction. Les fils électroniques, on les crée, on les imprime, a fait savoir la directrice au département de recherche et de développement à l'ICI. C'est un multicouche léger, mince et flexible, comme une feuille de papier. Une seule presse, comme celle installée à l'ICI, sera en mesure de tout imprimer de A à Z, de la batterie au processeur, générant une animation sur un écran en quelques secondes, à un faible coût et à la quantité désirée. Ce sont des technologies qui vont avoir un impact très grand sur la vie des gens dans une perspective de 5 à 10 ans. Si les textes sont de moins en moins consultés sur du matériel imprimé, les emballages, eux, sont toujours plus présents et évolués. Avec ces nouvelles possibilités d'impression, une boîte de céréales pourrait sans aucun doute avoir une animation vidéo pour se distinguer des autres sur l'étagère de l'épicerie, jusqu'à temps que tout le monde le fasse, évidemment. Les perspectives en matière de marketing deviennent ainsi illimitées. Les imprimés multifonctionnels ou électroniques peuvent aussi avoir une utilité beaucoup plus vaste. Ils pourront donner des informations plus lisibles et précises quant à la composition ou l'état des aliments, par exemple. Déjà en Europe, des marchands impriment des codes-barres qui disparaissent sur les étiquettes des paquets de viande lorsque celle-ci est avariée, pour que ça puisse pas passer à la caisse. C'est pas une idée fantastique, ça. Donc, on peut aussi penser à certaines étiquettes de bouteilles de bière Coors Light qui changent de couleur en fonction de la température. C'est le même genre de principe. La réaction est alors chimique et non électronique, mais quand même. C'est donc un imprimé multifonctionnel. Vraiment très cool. Aussi, ça va sûrement aider côté finance. Les compagnies vont pouvoir faire encore plus de profits si il y a seulement à imprimer une version de la boîte qui va être en plusieurs langues en même temps, dépendant du marché. Alors que là, présentement, il faut que tu aies une version en anglais plus petit qu'en français pour le marché québécois. Puis en France, c'est compliqué, les emballages. Donc, une bonne avancée de ce côté-là. Peut-être avez-vous entendu parler du premier hoverboard au monde, le Hando Hover, parlons-en, avec un article de Branchez-vous. Donc, 2014 semble officiellement l'année du hoverboard, alors que son concept refait surface dans le cadre d'un projet Kickstarter. Est-ce de la réalité ou est-ce une fiction? C'est ce qu'on se demande. Depuis Marty McFly, bien sûr, dans le film Retour vers le futur, deuxième partie, hein, les geeks ont toujours rêvé, Joe, on pourrait flotter sur une planche à 10 cm du sol. Bon. Donc, une start-up californienne prétend avoir réussi à concevoir un prototype fonctionnel et a lancé sa campagne de sociofinancement afin d'amasser les fonds nécessaires à la production de trousses de développement. Évidemment, ceux qui suivent l'actualité techno depuis un bon moment se rappellent de la société fictive Hover, H-U-V-R, et de sa vidéo faisant la promotion d'un véritable hoverboard qui a rapidement fait sensation. On a finalement compris que c'est une blague de funnyordie.com. Est-ce dire que le hoverboard ne pourra jamais devenir réalité? Ben, pas nécessairement. Comme toute campagne Kickstarter nous dit, branchez-vous, il y a toujours une part de risque à investir dans un projet. Surtout lorsque celui-ci semble sortir tout droit d'un film de science-fiction. Concrètement, les porteurs du projet tentent d'amasser 250 000 $ américains et s'adressent surtout aux bidouilleurs qui souhaitent s'amuser avec sa trousse de développement. Donc, si vous avez déjà joué avec des aimants, vous avez sûrement ressenti à quel point les deux pôles identiques se repoussent. On pourrait croire donc qu'en positionnant un aimant du bon côté sur une surface aimantée de la même polarité, celle-ci pourrait flotter, mais comme l'explique la page du projet Kickstarter, le théorème de Earnshaw a établi qu'il était impossible de maintenir un équilibre stable entre deux aimants. La technologie développée par Hando Hover, nommée Magnetic Field Architecture, est parvenue à contourner ce problème en tirant profit des courants de Foucault générés par le champ magnétique de ses modules afin de produire sur la surface un champ magnétique opposé qui permet à ceux-ci de flotter. C'est super compliqué et ça s'appuie sur un phénomène bien réel découvert en 1851. La trousse de développement, donc nommée White Box, peut ainsi être à vous à partir d'une contribution de 300 $ américains et sa livraison est prévue pour juillet 2015. Cette boîte comprend 4 petits modules pouvant flotter sur une surface conductrice. Pour 50 $ supplémentaires, la White Box Plus vient avec le matériel nécessaire pour contrôler la direction des modules par le biais d'une application Android ou iOS. Hando Hover estime qu'il est possible de s'amuser de 12 à 15 minutes avec les modules flottants après avoir rechargé les piles pendant environ 2 heures. C'est le début de la chose, hein? Et finalement, pour 10 000 $ vous obtenez l'un des 10 modèles du hoverboard de production. Toutefois, ce voli-volant, ça c'est branchez-vous qui s'invente des mots, ne peut flotter qu'à 2,5 cm d'une surface métallique lisse et son autonomie n'est que de 7 minutes. Le reste de l'argent récolté ira également à la construction de planches au drone, des skateparks, spécialement conçus pour le hoverboard. Vu que c'est une initiative californienne, ça va être évidemment en Californie. C'est des promesses qu'on ne sait pas si ça va se réaliser. Mais bon, voilà, c'est un gros projet quand même, le Hando Hover. Pardon. Maintenant, une application pour résoudre des équations mathématiques. Comme son nom l'indique, donc son nom étant Photomath, tout ce que vous aurez à faire pour obtenir la solution à une formule mathématique avec cette application-là sera de la prendre en photo. L'équipe derrière MicroBlink, un impressionnant logiciel mobile de reconnaissance de caractères, ils ont lancé une application permettant à son utilisateur de rapidement terminer ses devoirs d'algèbre. C'est donc Photomath. Tout comme l'utilisation de la calculatrice dans le cadre d'un cours élémentaire de mathématiques qui peut perturber l'apprentissage et l'assimilation de notions de base, Photomath risque également de mettre en péril l'enseignement de mathématiques plus avancées. Soulignons que l'application comprend les opérations arithmétiques et traditionnelles, donc addition, soustraction, multiplication et division, les fractions, les décimales, les puissances, les racines carrées et les équations linéaires simples. Une fois la photo traitée, il est possible de consulter la démarche complète menant à la solution proposée. C'est souvent ça ce qu'il y a dans les examens. On ne va pas nécessairement seulement vous demander la réponse, on veut savoir le processus parce que sinon, tu pourrais copier sur quelqu'un d'autre. Photomath, comme le démontre la photo sur assemblagerequis.com, ça détecte les caractères, ça fait les étapes. Tu peux cliquer sur le bouton « étapes » pour avoir la formule complète. Et c'est présenté textuellement. Voilà, ça ne donne pas un cours. Malgré ses imperfections, l'application risque fort bien d'être mise à jour afin de devenir la première réelle innovation du domaine mathématique pour être accessible à tous depuis l'invention de la calculatrice. Voilà, c'est disponible gratuitement Photomath sur iOS et Windows Phone, Android en 2015. C'est offert qu'en anglais seulement, mais ça, des maths. Hein. C'est quand même que Steps au lieu d'étapes serait écrit, ça ne changera pas grand-chose. Et voilà, je pense que ça va être tout pour le bloc de nouvelles CNX. On va y aller avec les locations. En club vidéo, allons-y par jeu, comme toujours, parce que c'est tout le temps les mêmes 3, 4, 12 fois par palmarès. Donc, en 10e place, c'est sa seule position. C'est la 10e Destiny sur PlayStation 3. En 9e, NHL 15 sur Xbox 360. C'est aussi sa seule position. En 8e, Forza Horizon 2 sur Xbox One. C'est aussi sa seule et unique position. Le reste, c'est des doublons. Donc, en 7e place, Middle Earth Shadow of Mordor sur Xbox One. C'est aussi en 5e place sur PS4. C'est tout. Ensuite, en 6e place, The Evil Within sur PlayStation 3. C'est aussi en 4e sur Xbox One et en 1e sur PlayStation 4. Ensuite, on va à Borderlands The Pre-Sequel qui est sur PlayStation 3 en 3e place et en 2e sur Xbox 360. Normalement, c'est là qu'on prendrait notre chronique bientôt sur nos écrans, mais je suis dû pour m'étouffer encore. Donc, écoutons Cheddar avec un 3 à la place du E puis un 4 à la place du A. C'est la chanson Reactiveness qu'on écoute au Mathieu Plante Show tout de suite. Et plus tard, les nouveautés en magasin. C'est fou, 89.1. C'est la pièce Connected par Bitamine. Je préfère Betabille. Alors, c'était Reactive avec l'artiste Cheddar avec un 3 à la place du E et un 4 à la place du A. Voilà. C'est un petit blog de chiptune. Il y en aura d'autres plus tard dans l'émission. Mais avant ça, voici ce qui se passe bientôt sur vos écrans. Hein. Voici les nouveautés en magasin pour la semaine du 26 octobre au 1er novembre 2014. Commençons sur le PC avec Skara The Blade Remains. C'est un jeu de combat en ligne jusqu'à 16 joueurs à la fois qui compétitionnent pour la dominance. Hein? Bien sûr. Ensuite, on reste sur PC en fait avec Fabiola Mortis ainsi que Retro Pixel Castles. Ça, c'était lundi le 27 octobre. Mardi le 28 octobre sur PlayStation 4, Xbox One et PC, c'est l'édition limitée de Lords of the Fallen. C'est coté 8 selon GameSpot. C'est un jeu d'action et de jeu de rôle avec un système de combat robuste. Ensuite, Sunset Overdrive Day One Edition sort sur Xbox One. C'est coté 8 selon GameSpot. C'est un monde ouvert dans un futur pas si distant où des événements catastrophiques font que votre ville est remplie de mutants. Font que votre ville... Ensuite, Costume Quest 2 sur PlayStation 3 et PlayStation 4, c'est coté 7 selon GameSpot. Freedom Wars sort sur PlayStation Vita, un autre jeu de rôle et d'action exclusif à la PlayStation Vita. On continue avec Power Rangers Super Mega Force, où on doit tuer des extraterrestres envoyés pour conquérir la Terre. Voilà, c'est sur Nintendo 3DS. Ensuite, MX vs. ATV Supercross sort sur Xbox 360, PlayStation 3 et PC. C'est un jeu, devinez quoi, de motocross, incroyable, avec 17 pistes et 40 personnages. WWE 2K15, 2K15 sort sur Xbox 360 et PlayStation 3. C'est la première version de la franchise WWE sur les consoles de génération courante. Je pense qu'on peut arrêter de dire genre « next gen ». C'est pas la prochaine, on est pas mal dedans, ça. Ensuite, NBA Live 15, un jeu de basketball de EA Sports, sort sur Xbox One et PlayStation 4. The Legend of Korra, A New Era Begins, sort sur Nintendo 3DS, basé sur les dessins animés du même nom, Legend of Korra. Ensuite, Disney Big Hero 6 Battle in the Bay sur 3DS. Il y a 6 membres dans une escouade avec Fred et un paquet d'autres super-héros comme ça. Ensuite, The Unfinished Swan sort sur PlayStation 4 et PlayStation Vita. C'est un jeu de peinture à la première personne. Est-ce qu'on joue donc le pinceau, si je comprends bien? Wow! C'est coté 6,5 selon GameSpot. C'est le premier jeu de la compagnie Giant Sparrow. Ensuite, Teenage Mutant Ninja Turtles Danger of the Ooze sort sur PlayStation 3 et Xbox 360. C'est un jeu d'action-aventure qui se passe de gauche à droite, donc ce qu'on appelle un side-scrolling. Et ça remplit les trous qu'il y a eu entre les saisons 2 et 3 du dessin animé le plus récent sur Nickelodeon. Ensuite, Assassin's Creed The America's Collection sort sur PlayStation 3, Xbox 360 et PC. Daedalus No Escape sort sur PC. C'est un first-person shooter en 2D où vous contrôlez un personnage sur une map et vous devez vous battre contre d'autres joueurs. Voilà. Ensuite, Blaze Rush sur PC. C'est ça. Ensuite, sur Xbox 360, mercredi, sort Costume Quest 2, dont on parlait tantôt. Il y a aussi Monopoly Plus sur Xbox 360. Eh bien, jeudi, on parle de, encore une fois, Costume Quest. Hein, Yetal est sorti, mais cette fois-ci sur la Nintendo Wii U. Wow Dave sort sur la 3DS. Farming Simulator 15 sort sur le PC. Évidemment, un simulateur de ferme, hein, je pense. Rock Zombie sort sur la Wii U. The Forest of Doom sur PC, Tetrobot and Company sur la Wii U, Cosmophony sur la Wii U encore, Zombie Panic in Wonderland DX sur 3DS, Pixel Paint sur Wii U, Dark Arcana The Carnival sur PC. Il y en a beaucoup des jeux. Cardigra sort vendredi sur PC. J'aimerais ça s'il y en avait avec des descriptions. Shantae Half Genie Hero, on en parlait un petit peu la semaine passée, ça sort là sur PS3, PS4 et Wii U. Excellente série de jeux, cette fois-ci en HD, de la compagnie WayForward, ceux qui ont fait entre autres DuckTales Remastered et un paquet d'autres Contra 4. Donc, une très bonne compagnie réputée qui fait des jeux que les gens semblent adorer. Buzz Aldrin's Space Manager, Space Program Manager. On peut gérer, devenir un gestionnaire de programme de l'espace grâce à Buzz Aldrin sur PC. Pac-Man and the Ghostly Adventures 2 sort sur PC et 3DS. Ça suit les personnages du dessin animé. On a parlé un petit peu la semaine passée aussi, mais là, il sort sur d'autres consoles. Ensuite, Costume Quest, encore une fois. Combien de fois est-ce qu'il va être dans la liste? C'est sur Xbox One que ça sort ce jour-là. Terra Tech sort sur PC. Majestic Knights sur PC. Un thriller, jeu de rôle qui se passe dans une version alternative des années 1980. Run, Sackboy Run sort sur PlayStation Vita. C'est un jeu qui était à l'origine, je crois, pour iPhone, où on fait courir le petit personnage en genre de sac qu'on voit dans la série Little Big Planet sur la PlayStation. Donc, il y a une version plus... c'est comme un Endless Runner, un jeu où on court sans cesse. Je n'ai jamais compris le but de ce jeu-là, mais quand même. Run, Sackboy Run sort sur PlayStation Vita. Ensuite, Reverse Side sort PC, sur PC. Rip sort sur PC. Et Natural Selection 2 Combat sort aussi sur le PC. Voilà pour la liste des jeux en magasin ou ailleurs pour la semaine du 26 octobre au 1er novembre 2014. Voilà. Tantôt, on va faire c'est un Fate Edition, mais avant ça, on retourne encore une fois entendre un petit peu de chiptune. Ouais, et la prochaine que je vous propose, c'est Imaginary, ça c'est le nom de l'artiste. Voici The Erstwhile Corpse, tout de suite au 89 FM. C'est MPS, le Mathieu Plante Show. C'était Imaginary et The Erstwhile Corpse. Au Mathieu Plante Show. Ouh, ouais. Alors, on continue maintenant. Voici, c'est un fait Tech Edition. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait Tech Edition, la collecte des choses qu'on ne sait pas et que souvent je ne sais pas moi-même, donc on les apprend en même temps. Commençons avec ce qui s'est passé cette semaine dans l'histoire. En 1975, Atari brevette son Cockpit Arcade Cabinet. Donc littéralement, une cage d'arcade en forme de voiture. Le jeu Highway, avec le slogan « Highway, all it needs is wheels », tout ce qu'il lui faut, c'est des roues, a été le premier jeu d'Atari à utiliser ce cabinet où on évitait les voitures et on devait conduire, donc on était physiquement à l'intérieur d'une voiture. C'était en 1975. En 2004, Mark Shuttleworth envoie un courriel au développeur de Ubuntu annonçant la première sortie officielle du système d'exploitation basé sur Linux nommé Warty Warthog. Et ensuite, à chaque 6 mois, depuis ce temps-là, depuis 2004, il y avait tout le temps une nouvelle version d'Ubuntu qui sortait avec un nom inspiré par des animaux et tout le temps avec une altération, donc Warty Warthog, deux fois les WA au début de l'expression du nom. Voilà. Ensuite, on passe au 22 octobre 2014. En 1938, Chester Carlson, tanné de reproduire à la main ou de prendre des photos de ses paperasses de brevets, a décidé de simplifier la tâche. Donc ce jour-là, en 1938, il a produit la première image électrophotographique. Xerox allait ensuite rendre ça automatique, populaire et financièrement très intéressant pour M. Carlson. En 2009, c'est la sortie de Windows 7. Les gens ont bien aimé ça, je pense, par rapport à Windows Vista et ensuite par rapport à Windows 8, mais ça, on en reparlera dans quelques secondes. En 2013, Apple annonçait le nouveau iPad Air et le nouveau iPad Mini. En fait, on dit le nouvel iPad Air avec la voyelle et le nouvel iPad Mini avec Retina Display, affichage, écran Retina. Ils ont aussi sorti le même jour OS X Mavericks gratuitement. C'était en 2013. En 2001, le 23 octobre, Apple annonçait le nouveau lecteur de musique, le iPod. Apple utilisait la plateforme de référence de Portal Player et ils ont engagé Pixo, la compagnie Pixo, PIXO, pour faire le design de l'interface utilisateur. L'iPod est ensuite devenu un succès incroyable dans le domaine des lecteurs de musique numérique. En 2012, Apple annonçait le nouvel iPad mini avec 7,9 pouces de diagonale. Ensuite, on saute au 26 octobre. On saute pas mal de jours, mais quand même, le 26 octobre, en 2004, Apple débutait le iPod Photo. Est-ce que vous vous souvenez du iPod Photo? Ça a déjà existé, ça? iPod Photo qui était capable de d'afficher des images numériques, des photographies et les couvertures d'albums sur son écran couleur intégré. C'était tout nouveau. Ça n'a pas duré super longtemps parce qu'à un moment donné, tous les iPods avaient ça. Donc, on a enlevé le mot photo. Et finalement, en 2012, le système d'exploitation de Microsoft Windows 8... débutait avec son superbe écran d'accueil avec des tuiles de salle de bain. Ça existe encore aujourd'hui, voyez-le ou non. Maintenant, parlons de jeux vidéo en général, donc des choses qui existent. C'est le but de C'est un fait. Il n'y a pas juste qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans l'histoire. C'est en général des faits. Hein. C'est un fait. Donc, il y avait un bug dans la version PAL, donc européenne, de Crash Team Racing sur la PlayStation. Ça permettait aux joueurs de sortir de l'écran de sélection du langage en utilisant le bouton triangle, ce qui faisait qu'aucun langage était sélectionné, à ce qui changeait le texte du jeu en une série de traits d'union, de barres obliques et d'affaires comme ça. Pardon, donc ce glitch, comme on l'appelle pour une certaine raison, fait aussi, et ça c'est vraiment étrange, que les têtes des boss, donc des monstres de monde, sauf Ripper Roo, sont échangés. Donc la tête de Oxide apparaît sur Komodo Joe, Papu Papu a la tête de Pinstripe, Pinstripe a la tête de Komodo Joe et Oxide a la tête de Papu. C'est n'importe quoi tout ça parce qu'on on arrive à la sélection du langage et on recule. Je veux dire, c'est super, super simple. N'importe qui peut faire ça. Donc bref, c'est dans Crash Team Racing. Ensuite, Dragon Guard 3 sur la PlayStation 3, une idée rejetée pour ce jeu-là, était de piéger les joueurs, de leur faire penser qu'ils avaient raté un jeu dans la série en nommant le jeu Dragon Dragoon 4. Et l'histoire du jeu aurait été de chercher les morceaux manquants de la série qui, dans le fond, quand même, n'ont pas pu être joués parce que c'était le quatrième et il n'y a pas eu de partie 3. Bref, une autre idée était aussi de faire que le jeu se passe dans un environnement plus contemporain en suivant les aventures d'une jeune fille au secondaire qui appelle son dragon par téléphone cellulaire. T'sais. Donc bref, Dragon Guard 3, c'est sur PlayStation 3 si ça vous intéresse. Ensuite, Hyper Dimension Neptunia Victory. C'est un jeu qui est sur PlayStation 3. Le personnage de Plutia, P-L-U-T-I-A, Plutia, Plutia, moi j'appelle Plutia parce que c'est un T avec une voyelle, un I après. T'sais. Donc, elle est nommée en l'honneur d'une console de Sega qui n'est jamais sortie. Dans ce cas-ci, c'est la Sega Pluto. Donc, une version modifiée de la Sega Saturn avec un modem Netlink intégré. L'existence de Pluto n'était pas connue jusqu'à ce que sur Internet, en avril 2013, un ancien employé de Sega ait montré un des seuls prototypes qui existait du jeu. Donc, même si le personnage avait été nommé en l'honneur de Pluto, son design était plutôt basé, lui, sur le design de la Sega Genesis. Voilà. Maintenant, dans Hyper Dimension Neptunia, dans la même série, Neptune, le protagoniste de la série, est nommé en hommage d'une autre console qui est jamais sortie, c'est la Sega Neptune. Donc, la Neptune était supposée être une version console de l'ajout 32X, qui est capable de jouer les jeux de Genesis. Les prototypes des prototypes de la Neptune ont été fabriqués, mais en même temps, la Sega Saturn était déjà prête à sortir, donc la Neptune n'a jamais pu se rendre jusqu'au magasin. Maintenant, sur Guilty Gear, on parle de la série en général. Arc System Works avait temporairement perdu la licence d'utilisation de la série Guilty Gear contre la compagnie de jeux vidéo Sammy. Donc, selon une entrevue avec Daisuke Ishiwatari, on a confirmé que ça affectait seulement les personnages de Guilty Gear XX, donc XX. Ils pouvaient faire une nouvelle version du jeu, une suite du jeu, en utilisant seulement les personnages centraux des deux premiers jeux. Ça explique aussi l'existence de Guilty Gear 2 Overture, qui contient seulement Soul Bad Guy et Kai Kiski, qui étaient jouables dans le jeu d'origine. Les autres personnages n'étaient tous pas de retour à cause de la licence de Guilty Gear qui appartenait pour le reste à la compagnie Sammy. On parle maintenant du jeu Danganronpa. Selon Yoshinori Terasawa, la raison pour laquelle le sang dans la série est d'un rose fluorescent à la place d'être rouge, c'était pour éviter les controverses par rapport au contenu. Bon, bien sûr, je pense qu'on pouvait s'y attendre. Et pour aussi descendre d'un cran le niveau de grotesque dans le jeu. Il trouvait que changer le sang du rouge au rose allait donner encore plus d'impact que du sang rouge parce qu'on est tellement habitué de voir du sang rouge dans les jeux vidéo. Excellente idée. Maintenant, le jeu Minecraft sur toutes les consoles. En fait, je pense qu'en ce moment, c'est tellement à la mode que c'est littéralement sur tout ce qui est récent comme console. Si le langage du jeu est en anglais australien, il y a plusieurs changements intéressants qui arrivent par rapport à l'anglais du Royaume-Uni ou l'anglais américain. Tous les noms pour les types d'arbres changent. Les cochons sont renommés des wombats et plusieurs autres changements comme ça qui n'ont pas vraiment rapport, finalement. Plusieurs messages dans le jeu sont aussi changés, comme si... Il y a un message qui disait « You can't sleep, there are monsters nearby », donc tu ne peux pas dormir, il y a des monstres proches. Ça change, hein? Tu ne peux pas dormir, les voisins sont en train de faire un party. Ils ont juste changé des affaires comme ça, je ne sais pas si c'est parce que la version... Pardon, si la version australienne avait été traduite par la communauté, vu que c'est un jeu indépendant à la base qui a été racheté ensuite par... je ne me rappelle plus c'est qui, c'est... Je ne me rappelle plus c'est qui a racheté Minecraft, en tout cas, peu importe. Là. Mais à la base, c'était un jeu sûrement traduit par la communauté. Donc peut-être que les Australiens, pour vraiment faire que ça serve à quelque chose, d'avoir une version australienne, parce que pour vrai, il n'y a pas grand mot qui change. Donc j'imagine qu'ils voulaient se rendre originaux. Mais ça, ce n'est que ma théorie. Ensuite, dans The Legend of Zelda Collector's Edition, sur la GameCube, la version japonaise du jeu vient dans un étui à deux disques. Par contre, la version internationale vient dans un boîtier standard. On pense que c'est parce que le manuel d'instruction de la version japonaise est plus gros et a besoin de plus de place, donc ils l'ont mis dans un emballage avec deux espaces pour deux disques pour que ce soit plus épais. Et ben. Dans Kirby Superstar sur la Super Nintendo, même si les couleurs des boutons de la manette de NES, de Super Nintendo, pardon, ont été changées du mauve au rouge, jaune, vert et bleu, vous savez qu'en Amérique du Nord, la manette de la Super Nintendo avait des boutons mauve pâle et mauve foncé. Sur un fond gris, alors qu'en Europe, c'était un bouton vert-bleu, jaune-rouge, comme je viens tout juste de le dire, bref. Dans la version, même si les couleurs ont changé, les couleurs de la télécommande ont changé dans le jeu Kirby Superstar, ils ont oublié de changer le texte dans le didacticiel du jeu, donc ça fait quand même référence au bouton mauve de la manette. Quand t'es dans la version internationale pâle, ça dit c'est les petites choses, la petite chose avec des boutons mauves, votre manette. Erreur de traduction. Console maintenant. Voyelle, console. Atari 2600. L'Atari 2600 était la première console de jeux vidéo à avoir des manettes sans fil. L'Atari CX42, avec ses manettes joystick, donc télécommande avec joystick, envoyait des ondes radio pour transmettre son signal pour pouvoir jouer sans fil. C'est cool, hein? Dans la série de jeux Halo, après que Apple et Google aient créé leur propre assistant numérique personnel intelligent Siri et Google Now, Microsoft a aussi fabriqué son propre système. Vous savez peut-être si vous avez un Windows Phone. Et là, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que personne n'a un Windows Phone, mais s'il y a quelqu'un qui en avait un, vous sauriez que Cortana dessus, qui est basé sur le personnage d'intelligence artificielle de la série Halo. L'actrice de voix, l'actrice vocale de Cortana, Jen Taylor, revient pour faire la voix du système aussi sur les téléphones. Donc Cortana, dans Halo et dans les jeux, c'est joué par Jen Taylor. On reste dans Halo avec Halo 3. Dans un endroit caché au début du dernier niveau de la dernière campagne, il y a un message en 2D d'un homme qui ne porte... En fait, d'un homme qui ne porte que des shorts. On l'appelle l'homme à moitié nu, le half-naked guy. Cet homme-là, qu'on voit vraiment littéralement dans le jeu, en très bonne qualité, il n'est pas caché bien. Il est dans un endroit caché, mais lui-même n'est pas caché en tant que tel. Il n'est pas... En tout cas, bref. Cet homme-là est le cofondateur de Bungie, la compagnie derrière le jeu. C'est Jason Jones. On peut même voir cette même image-là dans une des cutscenes, une des scènes animées dans le jeu Halo 2. Donc, allez voir la photo sur assemblagerequis.com. Maintenant, chez Sonic Spinball sur la Sega Genesis, la boîte sur la Sega Genesis montre Dr. Robotnik comme il apparaissait dans la série de jeux d'origine de Sonic. Par contre, la version Sega Game Gear et la Sega Master System, les deux boîtes, montrent Dr. Robotnik tel qu'on le voit dans les aventures de Sonic the Hedgehog, la version dessin animé. Donc, c'est de voir la photo sur assemblagerequis.com, le reste de la boîte au complet, que ce soit le volcan en arrière, la lave à l'avant, Sonic lui-même, le rail de chemin... Ben, pas le rail de chemin de fer, mais genre la trace de vitesse de Sonic. En fait, je pense que c'est un pinball, ouais, c'est ça. En fait, le jeu s'appelle Spinball, donc c'est une plaque de pinball que tu as en bas de l'affaire. Mais tout est pareil, pour vrai, sauf le personnage de Robotnik qui a été redessiné avec sa version dessin animé. C'est particulier de voir ça, on dirait qu'il aurait pu changer de reste sans qu'à faire ça. C'est bizarre, c'est louche. Deadpool maintenant sur PC, PlayStation 3 et Xbox 360. Pendant le développement du jeu, High Moon Studios a annoncé un concours où le gagnant de ce concours-là allait apparaître dans le jeu. Le gagnant était Bill Selina, un administrateur de base de données de Atlanta en Géorgie. Il apparaît dans le rôle du personnage Stormthrower qui il se fait attaquer, bref, il se fait attaquer. Voilà, c'est ça. Deadpool, c'est cool. Ensuite, dans Donkey Kong aux arcades et sur Nintendo Entertainment System, il y a 5 fichiers audio qui ne sont pas utilisés dans le jeu. Il y a une version alternative du thème de Pauline, 2 chansons qui ne sont pas utilisées pour des scènes entre 2 rondes et 2 extraits vocaux de Pauline en train de dire... Pauline, c'est la fille que tu dois sauver, la princesse, qui dit « Merci et à l'aide ». Ces sons-là ont été découverts 33 ans après la sortie du jeu. 33 ans, là, ça c'est récemment. Incroyable. Les fichiers exécutables du jeu Spider-Man 2000 sur Game Boy Color, Nintendo 64, PC et PlayStation, ça précise pas sur quelle version dans le texte ici, mais le fichier exécutable du jeu, moi je dirais que ce soit c'est sûrement sur PC parce que c'est un fichier exécutable, donc un point avec ça, ça aurait du sens que ce soit sur PC, contient des commentaires des développeurs par rapport à leur frustration pendant le codage du jeu et des commentaires sur le fait qu'ils étaient fâchés avec un des développeurs du jeu. Donc les gens pendant qui fabriquaient le jeu faisaient leurs commentaires. Et à la fin, quand on l'a envoyé en magasin ou peu importe la version finale, les commentaires sont restés. Donc, on peut les trouver sur Internet. C'est quand même quelque chose. En 1994, Sega a lancé ce qu'on appelait le Sega Channel, un service où les utilisateurs pouvaient télécharger jusqu'à 20 jeux de Sega Genesis par mois via le système de sur-demande, mais pas le service sur-demande de leur compagnie de câble aux distributions. Donc, Sega Channel qui a duré jusqu'en 1998, la fin de la génération 16-bits, ça a précédé Xbox Live Arcade de plus de 10 ans. Donc, c'était en 94, un service de téléchargement de jeux. Est-ce que vous pouvez y croire? J'ai de la misère, mais je crois parce que ça dit sur Internet. Game Boy Color maintenant. Plusieurs jeux de Game Boy Color qui sont sortis à la toute fin. Et même après la sortie de la Game Boy Advance, donc à la fin de la génération Game Boy Color jusqu'au début de la période Game Boy Advance, offrait des caractéristiques, des fonctionnalités spéciales qui fonctionnaient sur Game Boy Advance. D'habitude, c'était une palette de couleurs différentes qui était faite pour fonctionner sur l'écran de la Game Boy Advance parce que Game Boy Color était en couleur, mais avec beaucoup moins de couleurs et la Game Boy Advance était beaucoup plus colorée. Donc, The Legend of Zelda Oracle of Seasons et Oracle of Ages, par exemple, avaient une boutique spéciale qui n'apparaissait seulement lorsque le jeu était joué sur une Game Boy Advance. Donc, les programmeurs avaient une façon, dans le jeu, de vérifier quelle console t'avais et pouvaient t'offrir quelque chose de différent. Ouais. À 11h quelques derniers, on va finir bientôt. Donc, les chercheurs à l'Université McGill de Montréal ont découvert, on avait parlé de ça dans le temps, mais quand même, je trouvais ça intéressant de le rappeler, que Tetris pouvait être utilisé pour corriger l'amblyopie, qu'on appelle souvent l'œil paresseux. Donc, c'est quand on a un œil qui n'est pas nécessairement aligné de la même façon que l'autre. Donc, en utilisant des lunettes qu'on monte sur la tête, les traitements, dans le fond, forçaient l'œil paresseux à focusser sur des formes qui étaient en train de tomber dans le jeu Tetris, bien sûr. Donc, les chercheurs les rendaient plus contrastantes, plus contrastées, et l'œil dominant focusait sur la grille qui était à l'arrière-plan, qui était rendue avec un moins bon contraste. Donc, les patients utilisant cette méthode-là ont montré 4 fois le taux d'amélioration de leur vision par rapport à ceux qui utilisaient le traitement normal avec ce qu'on appelle un eye patch, un patch sur l'œil comme un pirate. C'est d'habitude le traitement qu'on utilise pour l'œil paresseux. N'est-ce pas fascinant? On revient à la Game Boy. Lionel Simmons a manqué 2 parties. Ça, c'est un joueur de basket. Okay? Lionel Simmons. qui a manqué 2 parties pour les Sacramento Kings lors de sa première saison à la NBA en 1991 parce qu'il s'est fait une tendinite au poignet et à l'avant-bras après avoir joué trop longtemps au Game Boy. C'est mon genre, ça. Et finalement, le jeu Myth 2 Soul Blighter sur le PC. Il y a un bug dans l'installation du jeu sur la version PC. Si le jeu n'est pas installé dans le répertoire par défaut, donc à la place, on l'installe dans un autre sur un autre disque dur, dans un autre dossier que programme FARS ou peu importe, et qu'on essaie ensuite de le désinstaller. Là, on parle du jeu Myth 2. Là, si on essaie de le désinstaller après l'avoir installé au mauvais endroit, ça va effacer le disque dur au complet de l'ordinateur. Pour vrai, là. Donc, c'est la compagnie Bungie qui est derrière ce jeu-là, Myth 2 Soul Blighter. Et Bungie a dû rappeler toutes les copies du jeu et les remplacer avec une version 1.1, ce qui a affecté, bien sûr, les profits de Bungie. Quelle incroyable gaffe! Ça, je sais pas s'il y a des poursuites, là, mais il pourrait peut-être en avoir. On parlait, c'était quoi, il y a quelques semaines de ça, d'une femme qui avait perdu son agenda, les fonctionnalités de calendrier, puis de notes, puis de contacts dans son iPhone, je pense, puis qui demandait des millions de dollars à Apple, là. T'sais, un disque dur effacé au complet, t'sais. En tout cas, c'est majeur, je trouve. Voilà, c'est tout pour cet effet Tech Edition. On y va avec un autre petit bloc de chiptune. Il nous reste la dernière demi-heure de l'émission qui va contenir, entre autres, notre série Legacy Game Boy 25th Anniversary. Mais avant ça, on s'en va entendre. On était rendu à laquelle? On est rendu à Power Supply, oui. Voici Piles Upon Piles of Candy. Ah, oh, c'est l'Halloween, ça en vient des piles de bonbons. MPS, le Mathieu Plante Show. Ah, c'est fou. diversité. C'est fou, 89.1. Tout le temps, je sais pas pourquoi tout le monde finit ses chansons comme ça, genre ils finissent pas. Totality of All Things Recent par Delta Century. Juste avant ça, on a entendu Pals Upon Pals of Candy par Power Supply. Voilà deux pièces de chiptune encore. J'ai pas mal envie de rester en chiptune, j'ai pas vraiment envie de parler. Je pense que j'ai assez parlé dans l'émission d'aujourd'hui. Vous me diriez probablement la même chose. On va y aller avec notre série en concert qu'on suit depuis le début de la session d'automne. C'est la série Legacy Game Boy 25th Anniversary. C'est un autre album par ocremix.org. L'idée de l'album par Will Rock et The Dam, qui ont ensuite passé le bâton à Brandon Strader et The Turnabout, était de rendre hommage à la console qui célèbre son 25e anniversaire. Donc, c'est la musique inspirée par la musique de Gunpei Yokoi, qui était, en fait, pas sa musique, parce que lui, c'était le créateur du Game Boy, qui a amené le futur des jeux vidéo. C'est pas lui qui a fait la musique, mais quand même, c'est lui qui a inspiré tout ça par après. Donc, l'album est en hommage à lui, et c'est pour le 25e anniversaire, comme je disais, du Game Boy. C'est le 49e album gratuit de ocremix.org, avec 15 pièces à arrangées par 16 artistes qui reprennent donc des chansons connues, de jeux vidéo connus. Ce qu'il nous restait à entendre, c'est une pièce de Tetris. Il y aura aussi une de Legend of Zelda Link's Awakening, ainsi que Pokémon Red and Red Version, c'est ça? Mais on commence avec Malkos, voici Alien Territory. Et si je peux même vous sortir de quel jeu ça vient? Ça vient de Solar Striker. Moi, je connais pas personnellement, mais quand même. Solar Striker. Pour Mathieu Plancho, c'est le bloc en concert pour terminer l'émission. Magmar, basé sur une pièce du jeu Pokémon Red Version, Battle vs. Trainer, Battle vs. Gym Leader et Opening par l'artiste Dusk. On a débuté avec Alien Territory, une pièce basée sur l'extrait Death Valley Stage 4 du jeu Solar Striker sur Game Boy. C'est dans la compilation Legacy Game Boy 25th Anniversary. Il nous reste deux pièces à entendre. C'est là-dessus que va se terminer notre série au complet. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de clencher ça pour passer à autre chose. Plus tard, il y aura une chanson basée sur Tetris, mais avant ça, voici Face Your Nightmare, une pièce du jeu Legend of Zelda Link's Awakening. On m'a dit plancher. We'll be right back. C'était Sir Nuts avec Tetris A-Type, reformaté en une autre chanson, un remix nommé Cry Me a River. Alors ça, c'était Face Your Nightmares, une pièce basée sur Face, Shrine, Windfish et Shadow Battles du jeu Legend of Zelda Link's Awakening. Voilà. C'est tout pour cette série Legacy Game Boy 25th Anniversary qu'on fait depuis quelques semaines déjà. J'espère que vous avez apprécié. On va continuer d'apprécier ce style musical complètement différent de remix de chansons de jeux vidéo la semaine prochaine avec une autre série qui va sonner étrangement comme ceci. Ce sera Audio Engineering Tribute to Sid, qui va comprendre 13 chansons de 12 artistes différents reprenant des chansons de la série Final Fantasy. Hein, c'est un environnement dans lequel je ne suis pas allé souvent. Je suis allé dans les Mario, les Donkey Kong, mais jamais dans Final Fantasy. Je pense que c'était le moment. Alors, on écoutera ça à partir de la semaine prochaine. Ça va être super bon. C'est super cool. Audio Engineering, a CD Tribute Project à partir de la semaine prochaine dans le Mathieu Plante Show. Mais pour l'instant, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Ah, déjà que ça passe vite. On se retrouve la semaine prochaine, mardi, entre 13h et 15h. On rappelle les jeudis de 16h à 18h. Oui, je vous retrouve aussi avec Stéphanie Paradis à Assemblage Requis du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30. Et avec Jean-Philippe Charbonneau au Palmarès C'est Fou les mercredis de 14h à 17h. Consultez la programmation complète sur cifou.ca. Retrouvez les notes de l'émission et les balado-diffusion sur assemblagerequis.com. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook au facebook.com/Mathieu Plante Show. De la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, c'était Mathieu Plante et vous avez été planté. Bye bye.